Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. C'est la chronique de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Gilles Péloquin, monsieur Ligue nord-américaine. Gilles, j'ai une petite rétractation à faire. Il y a des gens sur les médias sociaux qui se demandent pourquoi je t'appelle Ligue monsieur Ligue nord-américaine. Il y a des gens qui disent que tu mérites pas ce titre. Sauf que moi, je dirais, Gilles Péloquin, c'est monsieur Ligue nord-américaine. Ça fait tellement d'années qu'il est identifié à la Ligue nord-américaine. C'est pour ça que je l'appelle Monsieur Ligue nord-américaine. C'est tout simplement une joke, mais quelque part, je pense que tu mérites ce titre-là. Ben, je pense qu'il y a un fond de vérité sans vouloir le prendre, parce que pour certains, je pense que le titre reviendra au commissaire, actuellement Richard Martel, depuis 3 mois. Mais quand tu mentionnes Gilles Péloquin, Monsieur Ligue nord-américaine, faut pas oublier qu'en mai 1996, avec feu Mario de Guise et 4 autres personnes, j'ai fondé cette Ligue semi-pro qui est devenue 22 ans plus tard aujourd'hui et qui existe toujours, la Ligue nord-américaine. Donc, je fais partie depuis les tout débuts et je suis le seul qui est encore en poste dans cette Ligue depuis 22 ans. Ben, c'est quelque chose, là. Fait que c'est pour ça, quelque part, tu mérites ton titre. La semaine passée, il y avait un congédiement chez le coach de Saint-Georges-de-Beauce. C'est Éric Hélie qui avait été congédié. Cette semaine, on a nommé un gars que j'ai déjà connu parce que j'ai déjà dirigé ou encore couvert la Ligue Junior 3 il y a 8-9 ans. Et Mario Roy dirigeait le Titan de Princeville à l'époque. Et c'est lui maintenant qui est le nouvel entraîneur-chef. C'est un bon Jack, Mario Roy. De ce que je me rappelle de lui, là, c'est un gars qui était très impliqué dans les bois francs. Très impliqué également auprès familial. Il avait plusieurs enfants. Je sais pas comment il va trouver tout ce temps-là. C'est sûr qu'il y a 8 ans passés là, pour diriger cette équipe-là. Là. Écoute, on en parlait la semaine dernière et tu posais la question, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour remplacer Rick Haley? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans la Ligue? Et je te parlais de la tangente qui voulait que ce soit maintenant les gars du Junior 3A. Mmh. On ne s'est pas trompé parce que après Simon Turcot, qui est à Rivière-du-Loup pour une deuxième année, qui fait un excellent travail avec les 3L, ça mène Mario, qui a eu de belles années de gloire, avec plus de 40 victoires avec le Titan de Princeville. Et je me souviens encore, il y a quelques années, contre les Inuits de Granby, c'était les deux puissances de la Ligue Junior 3A. Et surtout, ce qui est intéressant, il s'amène avec son adjoint des Inuits des Titans au cours des dernières saisons. C'est Christian Labonté. Et pour okay. Les gens, là, les plus jeunes, Christian Labonté, who's guy? C'est qui ce gars-là? Il sort de où? C'est pas n'importe qui. Christian Labonté, et c'est pourquoi le bonhomme a 22 ans d'ancienneté dans le semi-pro dans la Ligue nord-américaine, a été la grande vedette du début du semi-pro en 96 avec les Papetiers de Windsor. Après ça, s'est retrouvé avec les formations d'Asbestos et aussi d'Acton Vale. Et a terminé à Granby avec le Blitz. C'est un gars qui est en 300 points en quelques 200 matchs. C'est un excellent joueur de stade. C'est une tête de hockey. Et les deux font la paire. Et je pense dans les exigences de Mario à Saint-Georges, il voulait son pote Labonté. Et il va commencer vendredi à Sorel Tracy avec son pote Labonté derrière le banc. Du coup, les femmes qui va très bien depuis le week-end en passant. OK. Mario, c'est un gars très organisé. Mais qu'est-ce qu'il faisait au cours des dernières années? Je l'ai perdu de vue. Là. Est-ce qu'il dirigeait encore Princeville? À travers les branches, ce que j'ai su à travers les branches, c'était une personne dont on ne parle pas souvent, dont on tait le nom, mais qui était pour le verdict de discipline dans les décisions à la Ligue nord-américaine pour suspension. OK, OK. Donc, c'est ça qui faisait au cours des derniers. Dans notre ligue, on ne le savait pas parce qu'on doit taire les noms des 3 à 4 décideurs de suspension. Et il était là et Jean Martel avait une facilité, le sachant qu'il se trouvait là, de lui poser la question, de lui demander de revenir dans le coaching. Et moi, je pense qu'on a vraiment changé toute la structure hockey parce que s'ajoute à ça également Steven Woodburn. Mmh. Steven Woodburn, là, était là en fin de semaine pour épauler les deux blessés, Kevin Cloutier et il a permis donc d'aller chercher 3 points sur 4. Woodburn, c'est un gars qui, dans le junior majeur dans les années 80, a eu le grand plaisir de côtoyer. Il était défenseur étoile avec les Maple Leafs, junior majeur à Verdun, de côtoyer un dénommé Pat Lafontaine. Okay. L'année suivante, il a été échangé aux Voisins de Laval. Et avec les Voisins, il y avait un centre étoile qui a perdu aller devant lui, qui est devenu une grande vedette de la Ligue nationale, Mario Lemieux. Donc, lui, il va être entraîneur associé comme troisième, mais sporadique, sur des événements spéciaux, comme les matchs sur la route, pas très loin de Montréal, donc Rétimont-Sorel, Trois-Rivières, Thetford et Saint-Georges, mais sûrement pas qu'on va le voir du côté de Rivière-du-Loup et Jonquière. Et là, il y a une quatrième personne aussi, Danny, qui s'ajoute, et pas piqué des verres, le choix de Doug Archibald de nommer comme mon adjoint DG à moi, un beau seron, un gars qui a une éthique de travail, un gars qui est aimé de tous, qui a même terminé sa carrière-là avec le CRS Express, et aussi, il a joué pour le Galaga auparavant. C'est l'ancien du Canadien de Montréal, Jesse Bélanger, qui a une structure maintenant en place, et j'applaudis, moi, Saint-Georges. Effectivement, Jesse Bélanger, qui a joué longtemps en Beauce également dans la Ligue nord-américaine. J'ai vu ton texte ce matin pour la recrue par excellence du mois d'octobre. Tu y vas avec André Bouvin-Morissette. C'est-tu le mot Bouvin, c'est-tu un nom qui va avec lui ou c'est un surnom? Non, je pense que Bouvin est du côté maternel et du côté paternel. Et c'est un gars qui est né en Mauricie, de l'autre côté du pont, qui a fait ses études et son collégial avec le Collège La Flèche, qui s'est retrouvé par la suite dans le junior majeur, qui a eu beaucoup de succès. Et là, ça a été moins bien parce qu'il a dû traîner son petit baluchon et aller du côté de la East Coast League. Mais malgré tout ça, dans la East Coast League, là, il a eu énormément de succès. Ouais. Et il a d'ailleurs eu de très, très belles saisons. Et là, tout d'un coup, ben, dans le repêchage de la Ligue nord-américaine, eh bien, Sorel a été très chanceux de pouvoir mettre sa main sur lui. C'est une chance. On savait pas que le bonhomme nous donnerait. Et tout d'un coup, il se retrouve qu'avec les Éperviers, il est le meilleur buteur du mois d'octobre. Il domine toutes les statistiques de l'équipe. Et surtout, pour faire les matchs à la radio et à la télé sur le web des Éperviers, je peux te dire que Christian Deschênes ne lui donne pas de chance, là, d'erreur. Il l'emploie sur tout. Il reste 30 secondes, il est là, on joue à 5 contre 3, on est que 3 sur la glace, il l'envoie. C'est comme si c'était son gars d'expérience de 10 ans, qui est une verte recrue. Et quand on regarde la liste des pointeurs de la Ligue nord-américaine dans les 25 premiers, il y a un gars qui a un astérix, R, à côté de lui, son nom, puis R, c'est recrue, c'est Antoine Bouvin et Morissette. Et ben, je pense que Bouvin, Morissette, André, dit qu'il ne peut pas être le joueur recrue du mois d'octobre dans la Ligue nord-américaine, ce serait impensable de l'oublier. OK, c'est un gars qui a un bon physique, 6 pieds 4 aussi, j'ai pu voir. Oui, c'est un beau physique, c'est un gars qui va dans les points de patinoire, n'a pas peur des mises en échec, il remporte son lot de mises en jeu, il a une grande portée avec son bâton à la Kevin Veilleux pour en tuer un. C'est un bonhomme qui, up and down, il n'arrête jamais, chaque présence sur la glace pour lui compte, c'est un 45 secondes à fond de train. C'est un beau joueur à jouer, à voir jouer et à jouer. Et c'est un gars, et j'espère qu'il va être là pour longtemps dans la Ligue nord-américaine. OK. Donc, les Marquis, défaite en fin de semaine. Ouais, mais les Marquis, ça va pas si bien. Non, hein? Mais c'est ça l'équipe qui gagne la Coupe une année précédente. Ouais, tu me l'as dit. Regarde les mêmes statistiques l'an passé des Poils de Rivière-du-Loup. Regarde celle de l'année avant de Thetford Mines. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de novembre, ça va se plomber. Parce que cette équipe-là ne peut pas être où elle est en ce moment, 3e ou 4e, là, avec Sorel. C'est une équipe qui a trop de profondeur. Écoute, c'est dit que Desjardins peut être meilleur, la défensive peut être meilleure, l'offensive avec l'addition d'un Desmarais, un Cournet et tous les autres, Marco Carpentier. Moi, je pense que cette équipe-là va reprendre son aile et ses airs de croisière et c'est dès ce week-end. Parce que quand tu regardes le classement puis qu'on parle de parité, il y a une semaine, eh bien, Rivière-du-Loup trônait, oui, au sommet, avec un léger avantage. Maintenant, Pepper est tout près. Ces deux-là s'affrontent vendredi, ça peut changer de bord. Et aussi, il y a une semaine, Saint-Georges avec un point. Saint-Georges en a maintenant quatre. Saint-Georges gagne ses deux matchs de fin de semaine. Pourrait peut-être envoyer Sorel ou Trois-Rivières dernier, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on se disait, ben, c'est peut-être exclu des séries. Saint-Georges gagne qu'un point en ce match. Oui, effectivement. Bon, les foules, tu as publié quelque chose sur les foules également. Rapport, ça va quand même assez bien pour le mois d'octobre? Ça va bien pour le mois d'octobre. C'est une belle parité comparée aux années précédentes. Ouais. Ça va se jouer, moi je dis, en décembre et en janvier. Mais la qualité du spectacle, parce que là, pour la première fois en trois ans que je publie les assistances pour la Ligue nord-américaine, j'ai ajouté trois lignes. Et pour moi, elles sont importantes pour le spectateur, autant que le télédiffuseur, que le radiodiffuseur et les journalistes que tu es et moi aussi. J'ai passé de 3h05 il y a deux ans à 2h45 à une moyenne de 2h22-23 cette année pour les matchs. C'est extra rapide. C'est une belle joute de hockey sur la glace passionnante. Il y a déjà eu 5 prolongations, c'est 25%. Il y a déjà eu 2 tirs de barrage. On s'en va vers une année record. Et ça, c'est merveilleux. Ça se joue. Écoute, un match à 8h30, je sortais pas avant 11h30, 11h45 de Thetford. Ouais. Là, 10h15, c'était fini l'autre soir. J'en revenais pas. Ça a été super rapide. Bravo, les gars. Merveilleux. C'est du très beau hockey. J'ai l'assistance, là. Il y a Thetford qui me déçoit un peu. En bas de 1000, c'est inhabituel pour une équipe qui aspire pour le premier rang. Jonquière, ça revient. Il y a eu une bonne foule dernièrement. 1600 après 1100 enlevé de rideau. Mais il faisait trop beau à l'extérieur. Trois-Rivières est la plus belle surprise, presque 400 de mieux que les deux dernières années en moyenne de saison. C'est un test en fin de semaine samedi, on verra s'ils peuvent poursuivre leur progression. Et ailleurs, ben, c'est égal à eux-mêmes, je pense à Saint-Georges, je pense à Sorel, je pense à Rivière-du-Loup. La moyenne est 11,60, 11,70, bon an, mal an, puis c'est à peu près ça. OK. Ben Gilles, on s'en parle mardi prochain. Peut-être que je parlerai à un conseiller. Peut-être, on va savoir dimanche soir. Fait qu'on on va tout savoir ça. Bon, ben, merci beaucoup, Gilles. On s'en parle mardi sur les ondes de DonnerDeSport.com.